عباد الله، يقول ربنا في كتابه الكريم وهو جل جلاله أصدق القائلين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة. قال العلماء: الموت حق مقدر من الله جل وعلا لخلقه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، الكبير سيذوق الموت، الصغير سيذوق الموت، الصالح سيذوق الموت، الطائع سيذوق الموت، كلنا سنذوق الموت. الموت حق عباد الله، حكم الله جل وعلا على العباد إلى أن هم يموتون. أيها الناس، سشك الله سبحانه وتعالى nous dit dans le sens du verset: et nous avons créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Les savants disent: Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la mort pour les serviteurs. La mort est une vérité. عباد الله، c'est le décret d'Allah سبحانه وتعالى. الله جل وعلا a fait que tout le monde va mourir, toutes les créatures. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى nous dit dans le sens du verset: tout homme goûtera à la mort. Le riche, il va goûter à la mort. Le pauvre, il va goûter à la mort. L'obéissant, il va goûter à la mort. Le pervers, il va goûter à la mort. Le vertueux, il va goûter à la mort. Les rois, ils vont goûter à la mort. Tout le monde va goûter à la mort. أيها الناس، عباد الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ويأتي الموت من كل مكان، كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. أيها الناس، تذكروا الموت عباد الله. La mort viendra. La mort, où qu'on soit, elle va nous atteindre. أيها الناس، عباد الله. رواه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. وجاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا من ذكر هذه من اللذات أي الموت. رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصينا بأننا نذكر على أنفسنا الموت، أن نكثر على أنفسنا من ذكر الموت. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة إلى أن يكثروا من ذكر الموت. ما قال أذكروا، قال أكثروا ذكر هذه من اللذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مصلحتنا. أيها الناس، الموت، ذكر الموت أمر عظيم جدا. ولهذا il a rapporté sur l'imam al-Tirmidhi wa al-Nasa'i wa ibn Majah d'après Abi Hurayrah radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith: multipliez le rappel qui met fin au désir, c'est-à-dire la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné qu'on multiplie le rappel de la mort, pas juste se rappeler, mais plutôt multiplier le rappel lorsque tu marches, lorsque tu es dehors, lorsque tu es chez toi, tu te rappelles la mort. Ya Abdallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait c'était quoi l'intérêt pour nous. Le fait de se remémorer la mort, se rappeler la mort, il y a dans cela un intérêt pour la communauté. Mais très peu de gens sont ceux qui raisonnent cela. Et quand la mort vient, elle ne va pas te prévenir. Ya Abdallah, تأملوا معي بعض الآيات القرآنية كيف يعلمنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وكيف ربنا يذكرنا الموت. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي هذه الآيات متواليات وهي عظيمات. وفي الآية الأولى ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ينهانا ربنا جل وعلا أن ننشغل بأولادنا وبأموالنا عن طاعة الله جل وعلا وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا ننشغل أنفسنا بالأموال وبالأولاد عن طاعة الله جل وعلا فإننا لعل سنكون من الخاسرين. وفي الآية الثانية وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب سيعلم هذا أن الصالحين وهو سيعلم في هذا الوقت لما يأتيه الموت أن الصالحين على الحق فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى الرجوع ولا رجوع له. عباد الله، ثم يقول الله جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. انظروا كيف يعلمنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم. أيها الناس، تأملوا هذه الآيات المباركات من الله جل وعلا. تأملوا يا أهل الإيمان، تأملوا يا أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى nous enseigne, nous remémore, nous rappelle la mort. Il y a trois versets qui suivent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le premier verset: ô vous qui avez cru, ya ahl al-iman, ô vous les gens de la foi, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et celui qui fait cela, qui est distrait du rappel d'Allah, des obligations d'Allah à cause de ses enfants, à cause de son bas monde, à cause de son argent, alors il fera partie des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous interdit qu'on s'occupe de nos enfants, de nos biens, qu'on soit distrait avec nos enfants et nos biens, à l'obéissance à Allah, aux obligations d'Allah, au rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah jalla wa ala nous dit, dans le sens, ceux qui font cela, celui qui fait cela, alors il fera partie des perdants. Al-khasara, ya laha min khasara. Ensuite, dans le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et dépensez ce que nous vous avons attribué, ce qu'on vous a attribué, avant que l'un de vous vienne la mort et il dise: ô mon Seigneur, laisse-moi un court délai afin que je sois parmi ceux qui font des aumônes et que je sois parmi les vertueux. Ibad Allah, Regardez, à ce moment-là, au moment de la mort, il dira au Seigneur, il voudra revenir dans ce bas monde, mais ce sera fini pour lui. À ce moment-là, alors, il va voir que les vertueux étaient sur la vérité, les pieux étaient sur la vérité, mais celui-là ne faisait pas partie des pieux. Ensuite, Allah Jalla wa Ala dit dans le sens du verset, et Allah, lorsqu'Allah a donné ce terme-là, la mort, on ne peut pas le retarder. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala a décidé la mort pour l'un d'entre nous, on ne pourra point retarder. Et Allah Jalla wa Ala sait parfaitement ce que vous faites. À ce moment-là, هذا العبد يندم بما مضى ومن الحاضر ومن المستقبل يندم ندما شديدا. عباد الله الموت حق. Sachez qu'à ce moment-là, le moment de la mort, cette personne-là va regretter. Il va regretter de ce qu'il a fait avant, du présent, et pour plus tard, il aura le regret, car il a été négligent dans ce bas monde. Il ne s'est pas préparé pour la mort. As-salaf as-salih, 30 ans et se préparer pour la mort. Ibad Allah, n'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enjoint, ordonné qu'on se remémore? Aujourd'hui les gens oublient la mort, ayadan billah, alors que la mort, il y a énormément de bienfaits si on se rappelle. Celui qui raisonne, Ibad Allah, on est dans une époque, dans un endroit où la dunya fait oublier la mort aux gens. Les gens, à cause de leur argent, de leurs biens, de la dunya, ils oublient la mort. La mort va venir. La mort est une vérité. Ibad Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wanduru kayfa yu'allimuna rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-karim. Regardez comment Allah nous enseigne, le majestueux subhana. Regardez comment il nous rappelle la mort. Et regardez le verset. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَيْ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابُ الْهُونِ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون أيها الظالم تذكر الموت أيها المغتاب تذكر الموت أيها الزاني تذكر الموت أيها العاصي تذكر الموت أيها الفاجر تذكر الموت أيها التالك الصلاة تذكر الموت أيها المتأخر الصلاة تذكر الموت تذكر الموت عباد الله. الله سبحانه وتعالى nous enseigne et nous dit dans le sens du verset, et si tu voyais les injustes au moment de la mort, dans les affres de la mort, fi sakaratil maut, si tu les voyais, les anges tendront leurs mains et ils diront, faites sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous serez récompensés du châtiment, de l'humiliation. Ibad Allah, regardez comme Allah Jalla wa Ala nous enseigne. وَلَوْ تَرَ إِذِ الظَّالِمُونَ. Ô toi l'injuste, rappelle-toi la mort. Ô toi celui qui est pervers, rappelle-toi la mort. Ô toi le désobéissant, rappelle-toi la mort. Ô toi celui qui néglige la prière, rappelle-toi la mort. Ô toi qui délaisse la prière, rappelle-toi la mort. Ô toi l'injuste qui fait de l'injustice aux gens, rappelle-toi la mort. Ô toi qui médis sur les gens, rappelle-toi la mort. Ô toi qui colporte des gens, rappelle-toi la mort. Ya Abdallah, n'as-tu pas peur de faire partie des injustes au moment de la mort? Car les gens se différencient selon leur injustice au moment de la mort. Ibad Allah, sachez le dernier instant de ta vie, le dernier moment de ta vie, lorsque tu vas être allongé dans ton lit ou bien dans un endroit, et l'ange de la mort yati wa yajlis ala ra'sik wa anta tushahid malak al maut wa hawlak al asdiqa wal ahibba wal aqriba yanduruna ilayka وأنت تشهد ملك الموت في هذا الوقت في هذه اللحظة تذكر هذا وهم لا ينظرون ملك الموت لكن أنت ستشاهد ينزل ملك الموت ومع الملائكة من جنود الله على الميت وهذا يشاهد ملك الموت ولكنهم هؤلاء الأصدقاء والأحباء والأقرباء لا يبصرون وهذا في المعنى قول الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. عباد الله, إذا جاء الحق لن يؤخر. عباد الله, تذكر هذا الأمر العظيم. Sachez que le dernier instant de ta vie, rappelez-vous cela, lorsque tu seras allongé, l'ange de la mort descend, s'assoit auprès de ta tête. Toi, tu vois l'ange de la mort, car Allah va permettre que tu voies l'ange de la mort à ce moment-là. Et avec l'ange de la mort, des anges qui descendent, soit les anges, ils viennent avec le linceul du paradis, ou bien c'est les anges qui descendent avec le linceul de l'enfer. Alors, toi à ce moment-là, tu verras, elle bouchera l'annonce. Tu verras l'ange de la mort ceux qui seront autour de toi ne le voient pas, ne voient pas les anges, mais te regarderont toi. Toi, tu regarderas, tu qallib al-nadar, ila al-asdiqa wal-ahbab wal-aqriba, lahdatul wada'a. Tu tourneras ton visage vers tes bien-aimés, vers tes parents, vers tes proches, vers tes amis, et eux ne voient pas l'ange de la mort et les anges, mais toi tu vas attester à ce moment-là. Rappelle-toi cela, ya Abdallah. Alors tu vas voir l'ange de la mort. Et ça, c'est le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque le souffle remonte à la gorge, c'est-à-dire l'âme, et que vous regardez ceux qui sont autour du mort, et nous sommes plus proches de lui, c'est-à-dire les anges, mais vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas l'ange de la mort. Vous ne voyez pas les anges, soit de la miséricorde, soit du châtiment. Et cela est la fin pour la personne. Le dernier regard d'adieu, khalas. Tu ne le verras plus dans ce bas monde, ya Abdallah. Est-ce qu'on se rappelle cela? Ayyuhannas, nahnu wallah fi rafla. Par Allah, nous sommes dans un grand, on est insouciant. Ayyuhal mu'minun, tulidun al-najat min adabillah, wa min sakhatillah, wa min ghadabillah, wa min iqabillah. Tulidun al-najat. فعليكم بذكر الموت ولكن بالكثرة ولا شك أن هذا يعينكم على التوبة إلى الله جل وعلا وعلى فعل الأعمال الصالحة وعلى فعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات أيها الناس الكرام خني الله سبحانه وتعالى أيها الناس نسام والله نسام insouciants du rappel de la mort. Nous sommes insouciants du rappel de la mort, le rappel qui met fin au désir. Nous sommes insouciants du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes insouciants. Il faut qu'on se prenne en main, qu'on soit des vrais hommes, ceux qui se rappellent la mort sans arrêt, ceux qui se rappellent la mort sans arrêt. Vous voulez le sauvetage du châtiment d'Allah, du châtiment divin? Vous voulez être épargné de la colère d'Allah? Vous voulez la miséricorde d'Allah? Vous voulez l'agrément d'Allah? Suivez ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous la mort. Rappelez-vous la mort. Car le rappel de la mort, c'est bénéfique pour celui qui raisonne. Le rappel de la mort, ça va te rappeler, tu vas te repentir à Allah Jalla wa Ala, tu vas revenir à Allah Jalla wa Ala sans arrêt, tu vas faire les bonnes actions, tu vas délaisser la médisance, les interdits, l'injustice, le vol, la négligence dans la prière, si tu te rappelles la mort. Car celui qui se rappelle la mort, il aura peur. Et cela, ça va l'aider à être obéissant envers Allah Jalla wa Ala. Par contre, celui qui est ignorant de la mort, du rappel de la mort, يخشى عليه سوء الخاتمة. Celui qui est insouciant de ce rappel-là qui est la mort, ce rappel qui met fin au désir, يقطع عن الملذات لا شك ذكر الموت نافع للقلوب ذكر الموت المنافع كثيرة جدا لو كان نعقل. Serviteur d'Allah, sachez que le fait de se rappeler la mort, il y a énormément de bienfaits si on raisonne. Ibad Allah, si on se rappelle la mort, alors on va être obéissant envers Allah Jalla wa Ala. On va délaisser les interdits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Avant de parler, on va faire attention. On va garder beaucoup le silence. Beaucoup le silence. Car la mort, lorsqu'elle vient, elle ne va pas te prévenir. وَعَلَمْ هَذَا عِلْمَ الْيَقِينَ. Et ce qui est demandé, أَيُّهَا النَّاسِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْفُضَلَى أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْأَكَارِمِ أَنَّنَا نُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ. Ce qui est demandé de nous, c'est qu'on multiplie ce rappel. Ça, c'est la voie, le manhaj min rasulina sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ça, c'est la voie sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qu'ils ont suivis avec bienfaisance. Méditez la vie des salafs, des sahaba radiallahu anhum, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Méditez, vous allez voir que nous sommes dans l'insouciance totale. Ibad Allah, serviteurs d'Allah, sachez, cette vie-là est éphémère. Cette vie-là, on va la quitter. C'est qu'un temps de jouissance éphémère. Cette vie-là trompe. Celui qui vous fait oublier la mort, c'est Shaitan. Sachez qu'il y a tout avec la dunya, l'argent, les passions, la dunya, tout pour vous faire oublier la mort. Il y a tout. Et les gens, beaucoup meurent à l'improviste. Ils ne sont pas préparés. Et ça, comme il disait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin des temps, la mort arrivera à l'improviste. Vous le voyez, il y a beaucoup. Tu t'y attends pas, tu meurs. Ils disent crise cardiaque. Khalas. Ja'at sakratul maut bil haqq. Subhanallah. La mort, les affres de la mort, vient avec, en toute vérité. La mort est une vérité. Ibad Allah, la mort, on ne pourra pas l'éviter. Où que nous soyons, préparez-vous pour la mort. Ibad Allah. Ô vous les hommes, préparez-vous pour la mort. Ô vous les femmes, préparez-vous pour la mort. نحن بعيدين لكن الذكر ينفع للمؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Certes, les vrais croyants, seulement les vrais croyants, sont ceux lorsque les versets d'Allah sont récités, leur cœur frémit. Ibad Allah, rappelez-vous la mort. Le fait de rappeler la mort, c'est bénéfique. Pour moi le premier, ainsi que pour mes frères fillah. Walhamdulillah, alladhi yassara lana hadhihi al-liqa'at. Wallah, hadha min fadlillahi alayna. Et on remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a facilité ses assises, ses cercles de science, les rappels des frères. Ça, c'est les endroits, les jardins du paradis. Lorsqu'on s'assoit pour Allah, ibad Allah, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'enorgueillisse de vous auprès des anges. Lorsqu'on invoque Allah, al-Wahid al-Qahhar, al-Hayy alladhi la yamut, subhanahu wa ta'ala, hadha fadlun 'azim min Allah jalla wa ala, lana jami'an, ayyuhan nas, wa lawla fadlullah 'alaykum wa rahmatuh, ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha. Lorsqu'on se rappelle Allah, on s'assoit pour Allah, Jalla wa Ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, comme il est rapporté dans Sahih Muslim, lorsqu'il passa auprès des compagnons, et ils se sont assis se rappeler l'islam, les bienfaits d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous vous êtes assis pour cela, pour se rappeler Allah. Ils ont dit oui, on s'est assis pour cela. Alors Jibril atani wa akhbarani an Allah yubahi bikum bil malaika. Subhanallah. Alors Jibril m'est venu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a informé qu'Allah s'enorgueillisse de vous auprès des anges. Regardez le bienfait des assises de science, des cercles de science. Wa ma akthar al-ghafilun an dhikrillahi jalla wa ala an ma akhbar Allah jalla wa ala ayadan billahi rabbil alamin wa nas'al Allah jalla wa ala أن يجعلني وإياكم من الذاكرين أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله, rappelez-vous le bienfait des cercles de science, des cercles de science. عباد الله, les anges vous entourent, Allah vous pardonne, vous avez la miséricorde d'Allah, vous avez le pardon d'Allah, vous avez les anges qui vous renforcent, qui vous entourent. Subhanallah. Combien parmi ceux qui sont insouciants du rappel d'Allah, remercie Allah, celui qui t'a facilité, celui le vivant qui ne meurt jamais. Subhanahu wa ta'ala, soyons reconnaissants envers Allah, tabaraka wa ta'ala, wallah hada, parmi les grands bienfaits d'Allah jalla wa ala, beaucoup sont dehors, sont insouciants, ont répondu à Shaitan. Vous, vous avez répondu au rappel d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah, lorsqu'il veut le bien à son serviteur, alors il lui facilite la compréhension de la science. Et inshallah ta'ala, comme قال العلماء, inshallah تدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير على المسلم والمسلمة التفقه في الدين. أتيتم في هذا المسجد، هذا ليس بحولنا ولا بقوتنا، لكن بقوة الله جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، vous êtes venus à la mosquée pas par votre force. Vous avez aucune force, nous avons aucune force. C'est par la force d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, celui qui a la force absolue. Alladhi yu'in Subhanahu wa ta'ala, celui qui aide Subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des bienfaits d'Allah. Soyons reconnaissants envers Allah. Rappelez-vous la mort, ayyuhal mu'minun al-kiram. هذه النصائح أنصح نفسي وإياكم، والدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cela sont des conseils, les conseils des frères, d'une façon générale. Cela sont des conseils pour moi ainsi que pour vous. La religion est le conseil sincère. La religion est le conseil sincère. La religion est le conseil sincère. Ibad Allah, à qui Allah veut le bien, lui donne la compréhension de la religion, comme il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama disent, Inch'Allah ta'ala, ceux qui viennent apprendre, écouter le rappel d'Allah, Inch'Allah ta'ala, ils rentrent dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kama ta'lamun fi hada zaman ghalabat ala nufus الكسل والشهوات وتمنت على الله الأماني. المسلم وخصوصا في هذا الزمان فعليه أن يتمسك بدينه أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تمسكا عظيما شديدا والأجر تضاعف الذي في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والمنكرات والمحرمات والآثام إذا كان المسلم يتمسك بدين الله تمسكا شديدا فإنه يكون على خير والأجر تضاعف كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا كذلك فنحن من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que nous sommes dans un temps, dans une époque, combien de choses interdites il y a, combien de mauvaises choses il y a. Combien de désobéissance il y a, combien de passions, combien les gens, la dunya, l'argent, les gens sont distraits. Sachez, à ces moments-là de trouble, les fitaines, combien ils tombent? Pourquoi? Ils ne sont pas cramponnés au livre d'Allah. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mukhlis lillah wa huwa alladhi yatamassak bi shari'ati Allah bil quwwa. Le sincère pour envers Allah ne le touche pas. Les moments de trouble, les moments des fitanes, les passions, cela ne le touche pas car il est sincère. Il adore Allah comme s'il le voyait. Mais s'il ne le voit pas, certes Allah le voit. Regardez, on est dans un temps. Regardez, méditez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il va arriver un temps où le fait de tenir à sa religion, garder sa religion, c'est comme tenir une braise dans sa main. On a hanou fi akhir zaman. Combien d'ennemis, combien d'hypocrites, combien shayatin min al-jinn wal ins, combien de diables parmi les hommes et les djinns viennent et vous distraient du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, vous appellent aux portes de l'enfer. Ibad Allah, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ceux à cette époque-là, car c'est difficile, mais la récompense sera multipliée. Car Allah est juste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Allah, il sait que pour nous, c'est pas facile, mais la récompense sera multipliée. La récompense de 50 compagnons, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les compagnons. Là, qui la récompense sera multipliée pour qui? Celui qui s'accroche au livre d'Allah. Mahma qala al-qa'ilun aw yatakallamu al-mutakallimun. Quoi que disent ceux qui parlent, quoi qu'ils disent sur toi ou quoi, quoi qu'ils disent, tu vas t'accrocher fermement au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dahiran wa batinan, à l'apparent, la sunna, à l'intérieur, tu vas t'accrocher à la religion, alors sache que la récompense, déjà tu feras partie des frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, je veux voir mes frères, alors le prophète, alors les sahaba ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne sommes pas tes frères. Ils ont dit, vous êtes mes compagnons, mes frères, et ceux qui vont venir après, mes frères et ceux qui vont venir après, ceux, les savants disent, qu'ils auront gardé la religion, préservé leur religion, seront accrochés à leur religion, alors, ceux-là sont les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, ce conseil, je me le donne pour moi ainsi que vous, et n'écoutez pas ceux qui vous barrent les routes, ferment les portes au cercle de science. Wallah, ne les écoutez pas. Ça, celui qui fait cela, yurcha alayhi su il khatima alladhi yasuddu an sabilillah. Yurcha alayhi su il khitam. On craint pour lui la mauvaise fin, celui qui barre les voies aux croyants. Lorsqu'ils veulent apprendre leur religion, n'allez pas là-bas. Ne prenez pas d'un tel. Ayadan billah. Vous connaissez cela, des ulama al-kibar. Accrochez-vous aux grands savants. Al-baraka min akabirikum. Al-ulama al-ma'rufin. Cheikh Abdel Utaymin rahmatullahi alayhi. Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi. Cheikh al-Albani rahmatullahi alayhi. Cheikh al-Fawzan. وحفظه الله وغيرهم من العلماء ceux qui voient loin quand il vous dit rentrez pas dans les fitanes, ils voient ce que vous ne pouvez pas voir. Allah leur a donné al-basira. Wallah, al-ulama, suivez les grands savants, inshallah vous serez épargnés des troubles. N'écoutez pas les petits jeunes qui vous distraient. Et sachez, celui qu'Allah aime, celui qu'Allah aime, qu'il fait partie des alliés d'Allah, et celui qui combat cet allié-là, l'allié d'Allah, alors il a déclaré la guerre à Allah. Et, subhanallah, les serviteurs sont des indigents. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à Allah ? Rien du tout. Ils vont être éprouvés. Subhanallah, ibadallah. Wallah, n'écoutez pas. Écoutez les grands savants de la communauté. Et inshallah ta'ala, c'est ce que nous enjoint les ulama. Et celui qui se rappelle la mort, alors il va suivre le chemin du livre d'Allah. Celui qui se rappelle la mort fréquemment, il va emprunter le chemin d'Allah. Le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être sur quoi étaient les compagnons, wa salaf al-sarih, il va suivre le minhaj al-haqqa, et il n'y aura que du bien sur lui, et on espère pour lui la bonne fin. As'alullah jalla wa ala, an yuwaffiqana jami'an, lima yuhibbuhu wa yalda hatta nalqa. الله نسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أهلنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأهلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.